Bonjour à tous, chers francophiles, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erika. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour historique. Tout à fait, le 11 novembre, qui est le jour de l'armistice. Armistice Day. Oui, jour très important en France. Et cette année, c'est le 90e anniversaire. Oui, donc la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, pour commémorer cet événement, on va se retrouver dans la même situation, à ce moment précis. Où l'armistice a été signé. Oh, c'est exciting. Ouais. Donc, nous sommes dans une forêt, dans un wagon. Nous nous trouvons dans le nord de la France, à Rotonde. Ok. Et qui sont les deux personnages principaux de ce dialogue? Alors, nous avons le maréchal Foch. Qui est français. Très important homme d'État français. Et nous avons le secrétaire d'État allemand. Bon, let's go back in time. Monsieur le maréchal, merci d'avoir accepté de me rencontrer à nouveau. Monsieur le secrétaire d'État, l'heure est grave. La vie dans les tranchées est exténuante pour les soldats et bien plus rude que les mots peuvent l'exprimer. Ce conflit me paraît sans issue. Chaque jour, il y a de plus en plus de morts et de blessés graves. Nous devons impérativement mettre fin aux hostilités au plus vite, sur terre et dans les airs. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. Acceptez-vous les conditions que nous vous avons proposées? Il est impératif que tous les pays envahis, la Belgique, la France, le Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, soient immédiatement évacués. De même, tous les prisonniers de guerre des Alliés doivent être rapatriés sans délai. Acceptez-vous, en 7 heures, ici même, à Rotonde, de signer le texte de l'armistice? Oui, nous acceptons de le signer. Et qu'advient-il des demandes que nous avons formulées hier? Vous pourrez peut-être apporter quelques modifications du texte plus tard. Mais il faut que les combats s'achèvent dès à présent. Signé. Très bien. Vite, envoyez des télégrammes en direction des fronts. Annoncez à tous le cessez-le-feu. Que les combats cessent sur le champ. Eh bien, monsieur, c'est fini. Allez. Alors voilà, l'armistice est signé, comme on l'a dit, dans ce wagon, qui est en fait exactement le même endroit, le même wagon où a été signée la déclaration de la défaite de la France en 1940. Quand Hitler a envahi la France, la France a dû capituler et il a exigé que la déclaration de défaite soit faite exactement au même endroit. Ah bon? Oui. Je savais pas ça. Oui, c'était une espèce de revanche. Oh, c'est intéressant ça. Alors, exactement le même wagon. Exactement au même endroit. Une vingtaine d'années plus tard. Oui. Mais cette fois-ci, on est en 1918. Oui. Et on a passé 4 ans d'une guerre exténuante. Horrible, qui était vraiment très difficile. Donc, on retrouve ces deux dignitaires. En plus, c'est un moment historique. Tout à fait, oui. Le langage, c'est un peu élevé. Élaboré. Un langage d'homme d'État qui se rencontre. Oui, mais il y a plein d'expressions et du vocabulaire qui sont utilisés aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Oui. Par les gens comme nous. Oui. Okay, so, alors, l'allemand. Il rencontre le maréchal Foch et lui dit merci d'avoir accepté de me rencontrer à nouveau. Mais monsieur le secrétaire d'État, dit le français, l'heure est grave. C'est ça, oui. Parce que comme tu l'as dit, cette guerre a été exténuante, il fallait en terminer. Oui, et les tranchées, ce sont les endroits où tous les combats se sont produits. Oui, durant cette guerre, c'était le cas. The trenches on the front. Oui. Les tranchées. Et donc, on peut imaginer que la vie était très rude pour les soldats parce que quand tu vis dans la tranchée, tu vis dans la terre. Oui, c'est pas joli comme vie. Non, bah, c'est vrai. Et en plus, ça se passait dans l'est de la France, l'est, le nord. C'est des régions où il peut faire très froid, il pleut. Ouais. T'imagines un peu la vie qu'ils avaient. Pendant 4 ans en plus. Est-ce que les mots peuvent exprimer ce que les soldats ont ressenti? Je ne sais pas. Et bien plus rude que les mots peuvent l'exprimer, Amaury. Ouais. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce qu'on peut dire ça dans la vie quotidienne? Non, c'est très littéraire. Ok. Ceci, j'y dis, oui, il est bien plus difficile que les mots peuvent l'exprimer. Moi, j'ai trouvé que tu exagères sûrement. Ok. Et puis, il dit, ce conflit me paraît sans issue. Donc voilà, on a cette expression « sans issue » pour dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie. It's a dead end. Ok, c'est un conflit sans issue, c'est comme « où est la fin ?» Exactement. C'est impossible de voir ou imaginer. Oui. Nous devons impérativement mettre fin aux hostilités au plus vite. Impérativement, absolument. Ouais, c'est impératif. Oui. Tout simplement, mettre fin à quelque chose. Toujours avec la préposition « à » qui suit. Partout, sur terre et dans les airs. Oui, donc là on précise dans les airs parce que c'était la première fois qu'on utilisait des avions durant cette guerre. Oui, la première fois. Oui. Ce qui l'a rendu même plus terrible. Tout à fait. Alors, le français, monsieur le maréchal, oui. Il dit que nous sommes au moins d'accord là-dessus. L'expression là-dessus. Qui veut dire ce sur quoi nous venons de parler. Tout ce que tu viens de dire, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Alors, il commence à parler des conditions. Il est impératif que... Ouais. Que les pays envahis. Quels sont les pays envahis? La Belgique, le Luxembourg, une partie de la France, ainsi que l'Alsace-Lorraine. Alors, l'Alsace-Lorraine n'était pas une partie de la France à cette époque? Non, c'est une région qui a toujours été disputée entre les deux pays. Ok. Et depuis la fin du 19e siècle, elle appartenait à l'Allemagne. Ah bon? Et c'était après cette guerre... Que l'Alsace-Lorraine est redevenue française. Bon, d'accord. Alors, il faut les évacuer. Ouais. Sur le champ, tout de suite. Tous les soldats doivent partir. Il ajoute un peu des conditions et il commence avec « d'eux-mêmes ». Je veux dire « et aussi ». Alors, en utilisant « d'eux-mêmes », attention ici, ce n'est pas familier. C'est relevé de dire ça. Ça, c'est plutôt dans les situations formelles. Exactement, comme oui. Comme celle-ci. Tout à fait. De même, tous les prisonniers de guerre, des alliés, des allies, doivent être rapatriés. Il faut qu'ils soient libérés. Et en plus, qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Alors, est-ce qu'ils acceptent en cette heure, ici même, à Rotonde, de signer le texte de l'armistice? Oui, il va l'accepter. Mais donc, comme tu dis, en cette heure, ici même, qui encore une fois, un langage sophistiqué. On pourrait le dire de manière plus simple. Ok. Mais encore une fois, on a des hommes d'État qui s'expriment. C'est un événement historique. Oui. Alors, il accepte, mais il dit, et qu'advient-il des demandes que nous avons formulées hier? Oui. Advenir de, ça veut dire to become of. What's going to become of, c'est demandes qu'on a formulées hier. Mais bon, le maréchal... français lui dit que ce n'est pas maintenant qu'il faut s'en préoccuper. C'était une mauvaise signe. Tout à fait. Alors, il dit, par contre, il lui dit, bon, on pourra peut-être apporter des modifications, des arrangements après. Oui, demain. Mais pour l'instant... Il faut que ça s'arrête, il faut que les combats s'achèvent. Dès à présent. Oui. À partir de ce moment-là. Immédiatement. Et donc, l'Allemand comprend la situation. Enfin, il ne peut pas faire grand-chose de toute façon. Donc, il accepte. Oui, et de toute façon, c'est un moment joyeux. Un peu aussi ouais. Joyeux que possible dans la situation. Mais parce qu'enfin, oui, en direction des fonds, c'est fini. Le cessez-le-feu. La fin des hostilités. Ça veut dire juste arrêter les hostilités pour l'instant. Voilà, l'arrêt des combats pendant un certain laps de temps. Mais bon, ici, évidemment, comme c'est une armistice, c'est définitif. Et il faut le faire sur le champ. Dès à présent. Tout de suite. Oui. Aussi vite que possible, sur le champ. Donc voilà, le grand moment est arrivé. Et maintenant, écoutons ce moment historique, encore une fois, sur le champ. Monsieur le maréchal, merci d'avoir accepté de me rencontrer à nouveau. Monsieur le secrétaire d'État, l'heure est grave. La vie dans les tranchées est exténuante pour les soldats et bien plus rude que les mots peuvent l'exprimer. Ce conflit me paraît sans issue. Chaque jour, il y a de plus en plus de morts et de blessés graves. Nous devons impérativement mettre fin aux hostilités au plus vite, sur terre et dans les airs. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. Acceptez-vous les conditions que nous vous avons proposées? Il est impératif que tous les pays envahis, la Belgique, la France, le Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine, soient immédiatement évacués. De même, tous les prisonniers de guerre des Alliés doivent être rapatriés sans délai. Acceptez-vous, en 7 heures, ici même, à Rotonde, de signer le texte de l'armistice? Oui, nous acceptons de le signer. Et qu'advient-il des demandes que nous avons formulées hier? Vous pourrez peut-être apporter quelques modifications du texte plus tard. Mais il faut que les combats s'achèvent dès à présent. Signé. Très bien. Vite, envoyez des télégrammes en direction des fronts. Annoncez à tous le cessez-le-feu. Que les combats cessent sur le champ. Eh bien, monsieur, c'est fini. Allez. time for the subjunctive tip of the day. This is where we give you one expression that uses subjunctive because it's easier, I think, to learn one at a time. So today, the subjunctive expression was what? Il est impératif que, donc les pays envahis, soient immédiatement évacués. Il est impératif que. And that's because it's a necessity. Just like il faut que uses subjunctif. It has to happen. Il est impératif que. But, like you said, it's a little bit formal expression. Tout à fait, Erika. It's used here amongst heads of state. But what would be an average Joe situation? Dans une relation d'affaires aussi, ça pourrait très bien être utilisé. Okay, like in a business situation, in a formal situation. Oui, on pourrait dire il est impératif que nous progressions sur ce dossier aujourd'hui. Il est impératif que nous trouvions de nouveaux clients. Oui, donc pour tous les étudiants qui nous écoutent ici, qui ont un niveau upper intermediate, il est impératif que vous appreniez le subjonctif. And to learn the subjonctif, il est impératif que vous écoutiez the subjonctive tip of the day. maintenant, il est impératif que nous poursuivions this lesson sur le champ. So, this event of la Première Guerre mondiale, a lot of times we don't talk about it because World War II came after and that was so awful that we forget how awful the first one was. Guerre vraiment atroce. In some ways, it was worse because it was so new. Exactement. Ils ont employé de nouvelles armes, comme on l'a dit, dans les airs, les avions, aussi des armes chimiques. Right, yeah, like mustard gas. Oui, et en plus, on est arrivé à une situation où c'était vraiment stupide. Right. Parce que ça n'avançait pas. Yeah, they were at the front, dans les tranchées. For 4 straight years, they basically just stayed in the same place. Exactement. There were no battles or victories or losses. It was just 4 years of people going to the same place and just dying there. Right. Et donc, cette guerre a montré l'absurdité de la guerre en général. Yeah. And then we know that what happened in the end led to the next war. This is a big holiday in France. Tout à fait. It's a total jour férié. Oui. Faut pas travailler. Depuis 1922. But even though World War II is kind of worse, because this holiday was made before that, right? Right. So that's why you still celebrate the end of the First World War instead of the Second one. Right. All right, well, if you have any questions, come to FrenchPod.com, or if you want to talk about historic things and this day in history, right, you can come do that, and you can do it in French, or you can do it in English. Let's start a conversation. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt.